Un arbre grandit, il lui en faut beaucoup pour grandir. Il devient plus grand et à partir des branches, de petites feuilles commencent à pousser. Les feuilles grandissent et en automne, elles tombent au sol. Les feuilles qui tombent au sol, les feuilles que l'arbre perd, ne sont pas perdues. Elles sont la nourriture pour l'arbre et aident l'arbre à grandir. L'arbre a besoin de feuilles pour grandir. Et il en est ainsi de l'homme généreux. L'homme qui partage. Ce qu'il donne l'aide à grandir. S'il ne partage pas, il ne peut pas grandir.